Lundi matin, 10h, c'est le moment de demander à la personne qui se trouve à côté de vous, tel Honoré de Balzac, joué par Gérard Depardieu. Quelle heure est-il ? Minuit, monsieur. Alors à la bataille. Apporte-moi mes munitions. Vos munitions ? Oui, enfin du café, brûlant et très fort. Allez ! Rien de tel qu'un bon café pour se donner du courage. Et puisqu'un café fait tant de bien, pourquoi ne pas en reprendre un deuxième ? Puis un troisième. Et pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas passer sa vie à boire du café? Du matin au soir et du soir au matin, sans dormir, sans manger, s'accrocher au café comme si sa vie en dépendait. Devenir toxico de l'arabica, shooté à la caféine, accro et dépendant au liquide noir comme d'autres à la confiture verte. Comment la drogue est-elle devenue l'héroïne de la littérature? C'est la question de l'émission du jour qui ouvre cette semaine en tout point excessive. La drogue. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La drogue, c'est comme un engrenage. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Si vous voulez un trip, c'est le moment. Peut bien, ça dit bon. Donne-moi-en un plus gros, ça va rien me faire, ça. Fais une petite démonstration, Astérix. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Je l'ai un peu chargé. Ouais, très bien, là. En fait... on se regarde jamais proche. J'ai vu les milliers de dieux. Ouais. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Faut que ça va pas trop bien, là. J'ai très très froid. T'as fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. J'essaie de dormir un peu, là. Oh, vous faites votre médicament. Formidable, plus rien. Et ça donne une de ces pêches. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes en forme ? Oui. Vous êtes l'auteur d'une anthologie, qui est en fait une anthologie améliorée, une véritable étude qui s'appelle « Écrits stupéfiants, drogue et littérature d'Homère à Will Self », parue aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Idéal pour commencer cette semaine sur l'excès, mais d'abord une question, est-ce que la drogue est forcément du côté de l'excès ? Est-elle forcément excessive ? Non, la drogue, en fait, est très ambivalente. D'une certaine façon, la drogue, c'est d'abord un médicament. Et d'ailleurs, l'anglais garde bien ce terme en disant « drug » pour désigner à la fois un médicament et pour désigner la substance qu'on appelle toxique ou poison. D'ailleurs, on retrouve dans toute l'histoire de la drogue, je mets à part les usages rituels des drogues, mais la plupart des drogues qu'on connaît, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, sont à l'origine des médicaments, en tout cas on utilise comme médicaments, il y a une histoire médicale de ces drogues, et puis il y a une histoire aussi récréative, il y a toujours cet aspect histoire médicale, histoire récréative. Ah, c'est l'origine grecque, pharmacon, hein. Absolument. Le poison et le remède. Absolument, et la drogue en fait ne devient cette route vers l'excès, j'aime bien ce terme de route vers l'excès, parce qu'il y a un livre américain qui s'appelle The Road to Excess, qui est une excellente étude sur la drogue et la littérature, ne devient un excès que quand on dépasse la dose et quand on s'intoxique véritablement. Et là, à ce moment-là, la drogue devient un poison, un toxique, toute cette terminologie qu'on utilisera à la fin du 19e siècle. Donc en fait, la question de l'excès, elle renvoie évidemment à cette question philosophique qui a toujours été privilégiée, puisque la philosophie, c'est quand même une forme de sagesse, c'est la question de la tempérance. Donc tant qu'on reste tempérant avec certaines drogues, ça, tout va bien. Mais y a-t-il des drogues qui permettent de rester tempérant ? C'est toute la question, parce que justement, il y a des drogues qui vous poussent à l'excès, voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à penser que la drogue est en elle-même excessive parce qu'elle nous fait dépasser des limites qu'on jugerait naturelles. La drogue, c'est quand même ce qui nous emmène hors de nous-mêmes. Voilà, c'est ce qui nous emmène hors de nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, plus profondément. En fait, la drogue, c'est ce qui nous augmente. Alors voilà, ça aussi, c'est toute la question. Ouais. Et qui nous augmente en quoi ? Il y a des drogues qui vous augmentent en connaissance de vous-même, en conscience, en élargissement de la conscience, en modification de la conscience. Il y a toujours un effet de sensation, évidemment. Il y a toujours des paramètres qui sont modifiés, qui sont ceux de l'espace ou du temps, surtout avec les drogues dites hallucinogènes. Et puis, il y a des drogues qui vous augmentent en puissance, qui vous augmentent en vélocité. Alors, psychique, est-ce que c'est illusoire ou pas ? On peut en parler. Il y a des drogues qui vous augmentent en... simplement des multiplications de votre pouvoir biologique, de votre vigilance. Voilà, donc le café, effectivement, c'est une drogue qui vous augmente en vigilance, en éveil. Bon, et puis après, il y a les dérivés du café, plus dangereux, plus violents. Et il y a des histoires aussi des drogues, et il y a des moments de la métaphysique occidentale ou de l'état des techniques qui font qu'on est plus sensible à certaines drogues ou pas, et ça c'est passionnant aussi. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que dans votre livre, vous avez proposé à la fois une histoire de la rencontre entre les drogues et la littérature, mais qu'en même temps, vous n'avez pas choisi de suivre une forme chronologique, vous avez proposé une classification par substance. Alors oui, j'ai pris une classification par substance que j'ai un peu bidouillée, si je puis dire, parce qu'en fait, le pharmacologue dont je me suis inspirée, qui est Louis Lewin, qui en 1926 a mis au point cette catégorie de famille de stupéfiants, hein, avec les calmants du système nerveux, avec les excitants, avec les ce qu'il appelle les fantastica, c'est-à-dire les drogues hallucinogènes, ou les enebriantia, les drogues enivrantes, qui sont pas forcément des drogues, mais qui se rapprochent de la famille des drogues, comme les solvants, les terres, toutes ces substances, ces gaz, bon... Il avait des aberrations de classification. Par exemple, il classait l'opium et la cocaïne dans les euphorica. Bon, moi, j'ai évidemment pas utilisé complètement cette classification, mais je garde ces familles parce que d'abord, ça permet de faire un peu de la pédagogie sur les effets des drogues, sur leur histoire, sur le contexte culturel dans lequel elles sont nées et ce que ça a pu donner en littérature. Ça me permettait aussi, si vous voulez, de faire toutes ces grandes introductions sur tous ces textes, sur toutes ces drogues, pardon. Parce qu'il y a aussi des auteurs, si vous voulez, j'ai environ 220 auteurs dans cette anthologie, mais il y a des tas d'auteurs que j'ai pas pu mettre dans cette anthologie parce qu'il aurait fallu faire peut-être deux volumes. Il y en a énormément. Et puis bon, il y a une limite possible. Il y a une limite là. On peut pas s'augmenter indéfiniment. Il fait déjà 1400 pages, voilà. Votre volume. Et donc, ces introductions très détaillées sur chacune des substances me permettaient aussi de parler d'auteurs qui ne sont pas forcément dans l'anthologie, mais qui permettent de mettre en perspective et de situer, voilà, des contextes et donc aussi, ça permet, si vous voulez, à l'intérieur de chaque famille de stupéfiants et de chaque stupéfiant, de faire toute une histoire, et on peut après la lire en diagonale, enfin, quand je dis en diagonale, pas lire le texte en diagonale, mais si vous voulez, le lire de façon diachronique, c'est-à-dire de repérer quelles ont été les époques bénies ou particulièrement prolixes en consommation psychotrope. Alors, il y a eu la France de la fin de siècle, hein, ce qu'on appelle la France fin de siècle, fin 19e, la belle époque avant la guerre de 14. Après, on a toutes les années 20 qui sont très caractéristiques. Et puis, on a les années 30 qui sont déjà une phase de dégrisement où la littérature sur la drogue est beaucoup moins lyrique et beaucoup moins riche, hein. On était vraiment dans des récits de désintoxication, souvent dans l'entre-deux-guerres. Et puis bon, et les années 60-70, dites révolution psychédélique aux États-Unis, en Europe, les années... Voilà. Et le classement chronologique des textes à l'intérieur de ces familles permet, voilà, de voir un peu comment ça se passe, tout ça. Fin 2003, j'ai fêté mes 40 ans dans une orgie de cocaïne, mais c'était juste pour rire. Et depuis, plus rien. Si j'ai longtemps regretté de n'avoir jamais eu l'occasion d'essayer la mescaline et me serais longtemps damné pour fumer de l'opium, tant pis, c'est trop tard. Je crois que j'en ai plus envie et mourrai pucelle de ces plaisirs éprouvés par procuration en élaborant ce volume. L'heure est plutôt au repli intérieur, aux conversations choisies, à l'aventure de la liberté libre qui augmente les forces au lieu de les déliter. Quand tout est matériellement difficile et spirituellement périlleux, reste à trouver les pas de côté qui sauvent, comme l'amour, l'amitié, ou encore la meilleure défense du monde, un certain rapport au temps. Pour moi, il passera par l'écriture joyeuse, mettant le cap sur le taoïsme pour éclairer au crible du vide et de la vacuité l'une des personnalités les plus méconnues de notre temps, et surtout en tirer la grande leçon orientale. Et quand viendra celui des épreuves et des douleurs, j'avoue que je serai sauvée par ce pli pris dans l'approfondissement de la santé et l'équilibre de mes facultés. Avant de commencer ensemble l'exploration de ce lien entre drogue et littérature, Cécile Guilbert, un mot sur vous, puisque vous en parlez dans l'avant-propos de cette anthologie et de cette étude. Vous racontez votre expérience, votre rapport intime et donc empirique aux drogues que vous avez prises. Et à la fin de l'avant-propos, on lit cet extrait que je viens de lire, une sorte de passage à autre chose. Et ce qui ressort de cet avant-propos, qui en plus d'être vraiment très très bien écrit, passionnant et très honnête, donc transporte le lecteur d'emblée avant même de voyager dans les textes, les autres textes littéraires, c'est qu'on vous voit en fait cheminer au milieu des drogues pour finalement en sortir et dire que la chose qui vous convient au bout d'un moment, c'est plus les drogues. Il y a un après que ce soit la littérature ou ce que vous dites, la meilleure défense, le rapport au temps. Oui, c'est vrai que j'ai eu une expérience assez précoce de la drogue dans les années 70, comme beaucoup d'adolescents. J'en fais pas une exception, si vous voulez, si étonnante que ça. C'était vraiment, il y avait une forme de banalisation déjà quand j'étais... Quand j'étais jeune, que j'avais 13-14 ans, sur le hashish, bon, c'est vrai que j'ai trouvé de l'éther dans la pharmacie familiale et que j'avais lu des textes et qu'il y a toujours eu une interaction, si vous voulez, entre ce que je lisais et ce que je voulais expérimenter. Il y a évidemment l'influence du milieu, mais la littérature, c'est très important pour moi dès que j'ai su vraiment lire, c'est-à-dire j'estime avoir su vraiment lire au sens lire vers 13-14 ans, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais écrire. Et donc, cet aller-venu entre des textes de grands auteurs, ma propre expérience de la drogue, tout ça a cheminé pendant un certain temps. Et c'est vrai que, bon, peut-être parce que j'ai eu la chance de jamais tomber accro à des drogues, comme on dit, complètement addict, et que j'avais toujours un certain sens de la mesure, peut-être, et de la tempérance, précisément. Mmh. Ou un instinct de vie très fort qui faisait que voilà, je voulais conserver mes forces. Bon, j'ai jamais vraiment abusé, même si je dis effectivement qu'à 40 ans, j'ai fait une orgie de cocaïne pour mon anniversaire. C'est vrai que je me sens vraiment très proche, par exemple, d'un certain nombre de membres de la Beat Generation comme Kerouac ou Ginsberg, qui avaient aussi, à travers la drogue et l'écriture, aussi une recherche d'autre chose, d'une démarche spirituelle, qui avait une démarche... Vers une forme de sagesse qui était du côté de l'Orient. Alors c'est drôle parce que les drogues sont du côté de l'Orient. Tout l'imaginaire, une grande partie de l'imaginaire des drogues est du côté de l'Orient ou du côté de l'Amérique latine. Alors pour l'Orient, vraiment l'opium, le hashish, tout ça, c'est des drogues qui font signe vers ça. Mais en même temps, les épreuves de la vie, un certain nombre de... Oui, des preuves, de traverser, de vous font naître à autre chose, vous font muter, vous avez plusieurs vies dans une vie. Vraiment, je me sens très très fort à l'âge que j'ai. Et effectivement, j'ai plus eu du tout de plaisir et j'ai même une angoisse, si vous voulez, à l'idée de prendre des drogues. C'est devenu très très très fort, quoi. Je peux même pas fumer un joint. Et je trouve une ivresse finalement dans d'autres domaines, ceux que j'ai cités que vous avez lus. Dans la littérature, justement. L'étude, je trouve que c'est l'étude, si vous voulez, quand je dis un certain rapport au temps, c'est la meilleure des défenses, c'est que. Finalement, s'enfoncer dans l'étude, je trouve que c'est une assez bonne façon de passer le temps, écrire aussi, lire et puis aimer. Et je trouve qu'il y a une véritable volupté dans cette épreuve de l'épaisseur du temps qui passe. Et c'est aussi parfois ce qu'on cherche avec certaines drogues, mais on peut le trouver sans. Je pense que les fumeurs d'opium éprouvent ça, cette volupté du temps. Il faut avoir du temps pour fumer de l'opium. C'est pour ça que j'ai toujours regretté de ne pas en avoir fumé, parce que je pense que ça correspondait déjà à... Finalement, c'est la drogue qui me semble la plus désirable. Pourtant, vous ne l'avez jamais essayé. Non. Mais ça veut dire que c'est le même geste, celui qui fait aller vers une forme de drogue et celui qui fait aller méditer, écrire, lire. C'est la recherche d'un même rapport au temps. C'est s'enfoncer dans un temps libre, dans un temps qui est asocial, qui est associable, qui est. C'est pour ça que il faut parler vraiment de ces drogues-là, de ces voluptés-là, des drogues qui sont plutôt celles du hashish et de l'opium et qui sont pas évidemment celles des excitants qui alors là, ne rendent pas du tout asocial, qui au contraire vous agglutinent à la société et au monde. C'est très différent. C'est pas le même geste, mais si vous voulez, c'est aussi une recherche d'inconnu, c'est aussi une approfondissement de la vie intérieure, je pense. Je veux pas faire ici une apologie de la drogue, évidemment, mais puisque tant d'écrivains en ont parlé, tant d'artistes, parce que bon, moi je parle des écrivains, je fais une anthologie de textes, mais si vous voulez, il faut voir que c'est quelque chose qui concerne les créateurs, les musiciens, les peintres, beaucoup d'artistes. Et tout le monde tout le monde ne s'en sort pas aussi bien que vous, c'est ce qu'on va voir ce matin. Premier extrait, première parole, Allen Ginsberg, vous en l'avez évoqué, le voici en 1965. Il y a une différence de qualité entre votre travail sous l'influence de la drogue et votre travail sans aucune intervention. Pas grande différence. Après quelques années, il n'y a pas de différence dans les textes. de temps en temps les textes avec les drogues psychédéliques ou hallucinogéniques. De temps en temps, les textes sont un peu plus visionnaires, plus aigus. Vous, quelle drogue vous avez essayé? Tous. Ouais, aux Indes, j'ai fumé beaucoup de marijuana, qui s'appelle ganja, là. Et c'est une part de la prière religieuse à le dieu Shiva, qui est le dieu de contemplation, et aussi de ganja, marijuana. Enfin, j'ai écrit un peu avec ça. J'ai écrit beaucoup avec mescaline, avec le gaz éther, avec le gaz nitrous oxide, oxyde nitrogénique, le gaz hilarant, il s'appelle. Château de Neuf de Pape. Avec Château de Neuf de Pape aussi, l'autre drogue. Château alcool, de Pape. Avec alcool de temps en temps. Alan Ginsberg sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'excès cette semaine et aujourd'hui les écrits stupéfiants de Cécile Gilbert. Alan Ginsberg le dit bien, et il répond d'ailleurs à l'intervieweur, hein, Jean-Pierre Mirouz, qui l'interroge sur son rapport à l'alcool. Vous parlez ni d'alcool, ni de cigarette dans ce recueil. J'en parle indirectement, parce qu'il y a beaucoup de turiféraires de l'opium, par exemple, ou de certaines drogues qui ont dit « mais qu'est-ce que nous embête à vouloir nous réprimer sur des fumeries d'opium, sur des choses comme ça, alors que l'alcool et le tabac fait des ravages ?» Il y a eu beaucoup de textes écrits dans ce sens. C'est vrai que le tabac peut être crétinisant, comme le disait Witkiewicz, qui est un grand drogué qui a beaucoup essayé de drogue, ou comme le disait Claude Farrer, et l'alcool, évidemment, est une substance psychoactive. Mais je pense que l'alcool n'est pas qu'une substance psychoactive, elle fait partie de la gastronomie, elle fait partie d'un patrimoine, elle n'est pas considérée comme une drogue. Mais évidemment, c'est ce qu'on disait au début de cette conversation, c'est-à-dire que à partir du moment où on en abuse, où on devient alcoolique chronique, ou voilà, à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'intoxique à l'alcool, et donc l'alcool mérite une tempérance. C'est un peu la même problématique. Mais stricto sensu, je n'ai pas jugé bon de mettre l'alcool dans cette anthologie, et je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être une autre anthologie à faire sur l'ivresse. Sur l'ivresse, oui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à certaines drogues correspondent des types littéraires ? Que le hashish fait écrire de la poésie, que la morphine se retrouve plus dans les milieux journalistiques, etc. Alors c'est vrai que en établissant ce volume et en me préoccupant beaucoup du classement de tous ces textes, de tout ce savoir, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas pu découvrir si j'avais pris un ordre simplement chronologique en jetant tout en vrac avec des époques, si vous voulez. C'est qu'effectivement certaines drogues privilégiées, il se trouvait que certains genres littéraires devenaient saillants au contact de certaines drogues. Alors, par exemple, c'est vrai que l'opium, qui a toujours été une drogue d'esthète, une drogue très prisée des écrivains, peut-être en raison justement de cet enfoncement dans le temps qu'elle permet, puis son côté esthétique, son côté très... il y a ce matériel de fumerie qui est très beau, il y a tout ce décorum, tout ce rituel, c'est une cérémonie en fait, l'opium. A donné lieu quand même à plutôt de la poésie, de la poésie en prose, de la poésie en vers, des pages assez élégiaques. Bon, tout ça est très, très, très frappant. Et puis, c'est vrai que les drogues, alors, qui sont ces poisons qui font tellement peur à tout le monde, qui sont ces toxiques, qui ont une emprise sur vous et qui vous conduisent à la déchéance et à la dégradation, comme la morphine et son dérivé plus puissant qui est l'héroïne, ont donné lieu à des textes. Alors, il y a deux types de textes. Il y a des textes, des récits personnels. Qui sont des récits d'addiction, qui sont des récits de déchéance, alors il y a souvent des journaux pour les morphinomanes parce qu'ils sont très soucieux de contrôler les doses qu'ils prennent, donc ils notent jour après jour, et évidemment c'est toujours tragique parce qu'on voit qu'ils augmentent les doses, parce que pour avoir le même effet il faut augmenter les doses. Donc il y a des journaux de morphinomanes absolument hallucinants. Je pense au journal de Mireille Havé, qui est un journal extraordinaire, qui est écrit dans les années 20 et 30, mais je pense aussi à Bulgakov, qui dans sa nouvelle Morphine a mis en abîme sa propre expérience de la morphine, qu'il avait pris de façon tout à fait... pour se soigner d'une maladie, et puis il augmente la dose, il en devient dépendant. Donc on a ces journaux de morphinomane, et puis dans l'héroïne, on a toujours des récits, quand c'est des récits personnels, à part une ou deux exceptions près, qui sont assez souveraines, mais on a toujours ces récits de déchéance, d'addiction, de misère, vraiment la figure du junkie. Qui sont vraiment très violents, dans votre volume, il y a des textes qui vraiment suscitent un dégoût très fort de la part du lecteur. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, dans cette anthologie, évidemment, j'ai voulu centrer chaque texte sur chaque texte que j'ai choisi, si vous voulez. C'est vraiment le récit de l'expérience et ce que ça fait, quoi, l'effet le plus possible. Et d'ailleurs, on verra bien sur d'autres types de drogues que c'est différent. Alors on va commencer à plonger, à commencer notre traversée littéraire. On va commencer avec un texte. L'avantage, c'est qu'on va entendre que des textes magnifiques, parce que la plupart sont vraiment écrits par des auteurs qui ont un talent fou. Le premier, c'est Henri Michaud, qui décrit ce qui pourrait s'apparenter à une consommation maîtrisée de la mescaline. La mescaline diminue l'imagination. Elle châtre l'image, la désensualise. Elle fait des images 100% pures. Elle fait du laboratoire. Les miennes, comme celles de beaucoup, comme celles des non-scientifiques, vivent habituellement dans les odeurs, les bruits, les contacts, la chaleur, la chair, et se mêlent à tout. Elle, la mescaline, fait des images si exactement dépouillées de la bonne fourrure de la sensation et si uniquement visuelles qu'elles sont le marchepied du mental pur, de l'abstrait et de la démonstration. Est-ce que dans le cas d'Henri Michaud, on peut parler d'un usage non excessif de la drogue ? Cécile Guilbert. Oui, alors je pense tout à fait que Michaud est le type même, et à ce point-là, il est sans doute celui qui a le plus accentué ce côté de l'ascèse, de l'ascèse. Il y a une forme d'ascèse chez Michaud, puisque Michaud qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui se définit comme un buveur d'eau et qui déteste ce qu'il appelle les drogués, a décidé, pour des tas de raisons qui seraient trop longs de développer ici, d'explorer des drogues de façon extrêmement maîtrisée, en ayant le souci d'élaborer une nouvelle poétique et d'examiner vraiment ce qui se passe dans son esprit et d'espionner le produit. Ce qu'il appelle espionner le produit, c'est-à-dire et se rendre avec le plus d'acuité possible, sensible à ce qu'il provoque sur lui, etc. Donc il y a une véritable démarche de maîtrise, et d'autant plus qu'il utilise beaucoup, même s'il a goûté presque à toutes les drogues, il utilise beaucoup de drogues psychédéliques. Et là, dans ce texte sur la mescaline, c'est-à-dire que la mescaline en soi est excessive, si vous voulez, c'est une drogue vraiment qui est excessive dans la mesure où elle provoque un afflux d'images, elle provoque cette infinie turbulente dont il parle, c'est-à-dire qu'elle est très violente du point de vue des images qu'elle provoque, elle déferle, c'est une drogue rapide, très qui provoque des visions colorées, extrêmement intenses, etc. Donc, elle est excessive, cette drogue, mais la façon de la prendre est tout à fait maîtrisée chez Michaud. C'est pareil avec la psilocybine, la substance, l'alcaloïde qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes, il en prendra aussi. Et en plus, ce sont des drogues, si vous voulez, que vous ne pouvez pas trouver comme ça, que vous ne l'achetez pas vous-même. C'est des drogues qui sont prises dans des contextes médicaux, qu'on vous administre par microgramme, exactement comme le LSD, d'ailleurs, qui est un psychédélique de synthèse. Donc, avec toutes les drogues psychédéliques, on peut dire que Michaud se livre à des protocoles d'expérience extrêmement calibrés. Mais un jour, il prend une dose trop forte, par exemple. Et alors là, il devient moitié fou, il raconte cette expérience, et c'est assez saisissant, parce que tout d'un coup, il est débordé, évidemment, par le produit de façon excessive. Et qu'est-ce qu'il fait en premier lieu, aller vers cette expérience ? L'expérience excessive d'ingérer de la drogue pour en décrire les effets, c'est une simple curiosité, pour trouver de l'inspiration littéraire. Bon, il a vécu toutes sortes de choses dans sa jeunesse. Il est allé, par exemple, en voyage en Équateur. Il a déjà essayé des terres comme ça. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Bon, il a trouvé que les terres étaient une drogue intéressante. Il a toujours. Alors, c'est le seul auteur qui finalement lui dit que l'opium vraiment ça l'intéresse pas et que ça n'a pas de grand intérêt. Alors que la plupart du temps, c'est une drogue reine pour les écrivains. Mais bon. En fait, non, il subit un certain nombre d'épreuves dans sa vie, la mort de sa femme, il est arrivé au bout d'un certain nombre d'expériences littéraires avec ses livres, il veut mettre fin à ce débordement de l'imagination dont il se sent assailli, et il décide, d'aller explorer tout ça, et parce qu'il espère de nouvelles sources d'inspiration, de nouvelles expériences de lui-même, des modifications de sa conscience et un renouvellement de sa poétique. Donc c'est très réfléchi chez lui, mais tous les expérimentateurs, en fait, surtout de substances psychédéliques, sont un peu à la recherche de ces choses. Walter Benjamin, c'est pareil. Walter Benjamin, il va expérimenter le hashish, d'une façon comme ça un peu empirique, et puis après, ça ça va déclencher des visions chez lui qui sont en rapport avec ses préoccupations esthétiques, sa réflexion sur le motif, sur le motif baroque, etc. Et ça va être la même chose pour toute une série d'auteurs. Ernst Jünger, pareil. Bon, après, les motivations des uns et des autres sont différentes. Mmh. Aldous Huxley, lui, il imagine que la prise de psychédélique pourrait avoir une influence sur la société bénéfique. Il gamberge beaucoup autour de ses utopies liées à la prise de psychédélique. Bon. Mais en fait, souvent, quand on est dans le domaine du psychédélique, à part les hippies des années 70 qui tripent au LSD à Katmandou, en fait, on est plutôt dans des approches raisonnées, raisonnables et non excessives, ne serait-ce que parce que c'est des produits qui ne permettent pas, qui ne provoquent pas d'addiction au sens, elles peuvent provoquer de graves dommages si on a un terrain psychotique ou si on force trop la dose, mais la plupart du temps, non. Mais alors pourquoi, même si cette question est politiquement incorrecte, mon lapsus, pourquoi ces drogues-là sont-elles considérées comme autant dangereuses alors ? Ça ne crée aucune addiction. Mais en fait, elles sont, je ne sais pas si elles sont, d'abord les drogues, on voit qu'il y a au cours de l'histoire, si vous voulez, il y a une répression croissante des drogues. Hein, ça c'est très net. Au début, bon, tout le monde peut acheter du laudanum en pharmacie, en vente libre à la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, ça donne beaucoup de gens qui deviennent dépendants au laudanum. On achète de l'éther. Jusqu'à une date très récente, librement en pharmacie. Bon, donc la répression se met en place et va s'accentuer tout au long du XXe siècle. Il faut voir qu'au début, la drogue est vraiment quelque chose qui est réservé, bon, ou au milieu interlope, les filles de mauvaise vie, divers trafiquants, les artistes, une sorte de bohème, si vous voulez, des cercles quand même assez restreints, et puis qu'en fait, elle gagne l'ensemble de la société, quoi. Après la guerre, il y a de plus en plus de gens drogués. Et alors, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la drogue est réprimée comme jamais partout, et en fait, il y a encore plus de drogués qu'avant. Mais bon, je veux pas rentrer dans cette considération sociale. Ce que je veux dire, c'est que, tout d'un coup, l'instance sociale politique décrète que la drogue est très dangereuse, et d'ailleurs il y a eu des choses extrêmement amusantes au moment où le LSD a déferlé en France, par exemple dans les années 60, il y a eu, je me souviens, un numéro du Crapouillot que j'ai dans mes archives, qui est hilarant, où on voit des gens, il y a tout un roman photo, on voit des gens les yeux exorbités, prenant des positions de leur corps complètement démentes, comme s'ils étaient agités de spasmes, etc. Bon, si quelqu'un a pris un jour une pastille de LSD, il peut se rendre compte que c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on crée une terreur. Et de toute façon, dans la législation française, la définition du stupéfiant est extrêmement tautologique et complètement tautologique, puisque est stupéfiant, toute substance est inscrite au tableau des stupéfiants. Donc, toutes les drogues sont désormais inscrites au tableau des stupéfiants, y compris celles qui ne provoquent pas de risque d'overdose, d'effets létals, comme on dit, ou qui ne provoquent aucune dépendance psychologique ou physique. Donc ça c'est la, et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens se disent qu'il y a quand même un excès de la répression et que consommer des drogues psychédéliques, après tout, comme le disait Huxley, ça permettrait beaucoup de choses et d'ailleurs médicalement elles reviennent dans les laboratoires, puisqu'on utilise maintenant la mescaline, les champignons, etc., dans différentes universités ou laboratoires anglo-saxons pour soigner des dépressions. Mais c'est ça, c'est que les drogues excitantes sont bannies, mais en revanche, les drogues qui endorment et qui calment, elles, au contraire, sont on peut les acheter. Non, je ne sais pas si c'est des drogues qui calment et qui endorment, parce que l'opium, qui est plutôt une drogue sédative, en fait, voilà, n'est pas. Non, je pensais plutôt aux antidépresseurs, aux somnifères, sont aussi des formes de drogues au sens large du terme. Ah oui, tout à fait. Elles sont commercialisées. Voilà, tout à fait. Si j'avais eu des textes littéraires, si vous voulez, j'aurais mis ce que Lewin appelait les hypnotica, c'est-à-dire les barbituriques, dont abusait Proust, Raymond Roussel, etc. Mais ça donne pas lieu à des textes, en fait. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, ce que vous montrez bien. Même par exemple, ceux qui consomment de la cocaïne écrivent peu sur la cocaïne. Voilà, parce que la cocaïne, c'est une drogue sous laquelle on est en emprise, mais sans doute pour écrire autre chose. Voilà, et non pas pour un phénomène d'auto-observation comme Henri Michaud. On va écouter un autre texte, alors là, beaucoup plus fort et beaucoup plus dur, sur le manque induit par la consommation de morphine. Le texte est de Mireille Havet. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Mireille Havet ? Ben Mireille Havet, c'était une jeune femme extrêmement douée qui était à Paris, une amie d'Apollinaire, une amie de Cocteau, qui évoluait dans les années 20 à Paris et qui avait publié un premier roman et qui était promise vraiment à un avenir littéraire assez brillant, mais qui est tombé dans la toxicomanie. Et bon, on a retrouvé son journal assez tardivement. Il a été publié par Claire Polan dans les années 2000. Et il est extrêmement intéressant parce que d'abord, il est très très bien écrit. Deuxièmement, il y a tout un panorama de cette bohème littéraire, de ces milieux littéraires de l'entre-deux-guerres, tout à fait fascinant. Et puis, il est glaçant dans la mesure où Mireille Havé, bon, qui était aussi lesbienne, qui raconte toute sa vie amoureuse avec ses différentes maîtresses. Raconte son addiction alors à la morphine, à la cocaïne, à l'opium. Alors c'est une amie des grands toxicos de cette époque, c'est une amie de Jacques Rigaud, hein, dont figure mythique, météorique, qui a inspiré Le feu follet de Dreyeux La Rochelle. C'est une amie des Bourgoins, les deux frères et sœurs qui vont inspirer Cocteau pour Les enfants terribles et qui étaient eux aussi opiomanes. Une amie de Jean-Michel Franck, le grand décorateur opiomane. Enfin, toute cette Léon Pierquin, toute cette... Et elle a donc laissé ces plusieurs tomes de son journal. Et alors là, on pourrait faire toute une anthologie parce qu'il y a énormément de passages de son journal sont liés à cette addiction et elle en parle avec une lucidité mais vraiment extraordinaire. Voici un extrait d'une page de son journal de janvier 1927 lu par Daniel Mesquiche. Ce qui vient de m'arriver est bien extraordinaire. Ce vertige soudain, cette crispation de tout le corps et ce ruissellement de la transpiration jaillissant comme de l'eau par tous les pores mais glacée aussitôt. Et glaçante. Ce tremblement dans la tête et cette trombe désordonnée, en révolte, de la vie désaxée, de tous les nerfs échappant brutalement à tout contrôle, de la raison presque attaquée, presque mise en fuite par l'impression brutale, tragique, de tout le désarroi du corps, de cet effroyable, insoupçonné, inimaginable, et qui n'a de rapport avec aucun malaise connu, ou même une seule fois ressenti et deviné, désordre que cause, sans aucun trouble avant-coureur ou transition d'état, qui puisse suffisamment faire pressentir ou signifier même quoi que ce soit de ce qui va vous arriver, le manque subit et trop grand de morphine. Le trop long écart d'heures entre deux piqûres, se suivant ordinairement plus vite, et dans un délai fixé qui vient d'être exceptionnellement et par distraction oublié et inobservé à tout l'organisme d'un corps, dans tout le rythme de circulation et de pulsation souterraine, cardiaque, artérielle, nerveuse, d'un être habitué au poison, et auquel ce poison réglé, dosé, manque subitement, se trouve par négligence, reporté aux limites d'heures qu'il exige, pour pouvoir efficacement vous soutenir, relayant dans votre sang sa puissance qui ne peut durer, se renouveler sans choc ni déséquilibre intérieur, qu'à la condition tyrannique et expresse de toujours respecter le délai des piqûres qui la portent et qui sont comme les postes de relais d'une flamme qui, autrement, ne peut plus se reposer nulle part, vacille, s'éteint brusquement, plongeant le corps dans un noir vertigineux de catastrophe. Je peux plus dormir dès qu'il fait noir, je vois grouiller un tas de choses dans le sombre. Des chauves-souris, des grands yeux d'ombre, puis des rats, comme dans l'assommoir. Alors je prends le flacon qui console vite une piqûre et ça me remet cette puis ce matin ma troisième fiole. Je m'en déshabituerai jamais. Si je vais comme une... Morphinée de Nathalie Joly, enfin chantée par Nathalie Joly, c'est une reprise d'une chanson d'Yvette Guilbert, la reine du café-concert de la fin du 19e siècle. Vous, c'est votre ancêtre, c'est ça? Non. Aucun lien? Non, aucun lien. Cette chanson, donc, qui vient conclure le texte de Mireille Havé, la description du manque de la morphine, est proportionnellement inverse à l'accélération du rythme alors qu'elle écrit. C'est l'écriture elle-même qui est excessive ici. Tout à fait. Et c'est fascinant parce qu'en fait, quand on prend tous ces exemples d'écrivains, très très dépendants d'une substance et qui ont plongé dans cette déchéance, encore faut-il être capable de d'écrire ce qu'on ressent. Il y en a très peu en fait hein, qui sont capables. C'est là où on voit d'ailleurs quels sont les grands écrivains qui de toute façon le sont quel que soit leur état de déchéance ou d'intoxication, parce que finalement d'écrire ces sensations, c'est toujours ce qui est le plus difficile en littérature. Et c'est d'excellent. La drogue est un des états possibles qui peut être décrit au niveau des sensations. Mais elle crée pas le génie, c'est ce que vous dites dans votre avant-propos. Alors elle crée pas le génie, mais si vous voulez, un écrivain qui est bon le sera, quelles que soient les substances absorbées et quelles que soient. Et Mireille Havé le prouve. Et à l'inverse, un écrivain qui est mauvais, quand bien même on lui donnerait toutes les substances qui provoquent des choses merveilleuses ou étonnantes, fascinantes, et qui n'a pas les moyens techniques ou littéraires de les décrire, bah, ne les décrira pas. Et ça se voit aussi dans cette anthologie, puisque cette anthologie mélange des textes géniaux et des textes médiocres. Et ceux de Mireille Havé, en revanche, sont des textes géniaux, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et elle vous est particulièrement chère ? D'abord, il faut quand même dire que dans cette anthologie, il y a assez peu de femmes. Et des femmes toxicomanes comme Mireille Havé, il y en a eu, mais si vous voulez, il y a des oubliés que je ressuscite, hein, mais de cette qualité, non, il y en a pas beaucoup. Et sur l'ensemble des écrivains, je crois que je dois avoir une dizaine de femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aussi que cette affaire est majoritairement masculine. Bah, déjà, l'affaire même de la littérature a longtemps été majoritairement masculine. Voilà. Et que les femmes qui écrivaient, même s'il y en a, énormément, peut-être étaient moins à même de... Et en fait, on s'aperçoit que les femmes qui ont écrit sur la drogue ou qui en ont pris, finalement, c'était des femmes qui évoluaient dans les milieux d'hommes et qui étaient pas des bonnes mères de famille, si vous voulez, qui étaient hors de ce modèle. Et est-ce qu'on perçoit une différence d'écriture entre une femme qui décrit l'expérience de la drogue et un homme qui décrit l'expérience de la drogue ? Pas du tout. Pas du tout. Comme le reste, c'est pas genré. Non. Autre exemple, alors là, cette fois-ci, encore plus, on fait une espèce d'escalade, ou plutôt, on dévale une pente assez sombre. Cette fois-ci, on parle de crack, portrait d'un fumeur de crack en jeune homme. Il s'agit de Bib Clegg, un agent littéraire new-yorkais à qui tout souriait jusqu'à ce qu'il tombe de manière assez précipitée dans le crack jusqu'à toucher le fond. J'entends un bruit de radio. Dans le couloir, sur le toit, je bondis du lit et me dirige vers la commode. Ma serviette tombe et je vois un squelette dans le miroir dont les coudes, les genoux et les jointures saillent comme de gros boulons de bois reliés entre eux par un simple fil. Je suis la marionnette que j'ai vue des centaines de fois sans jamais me reconnaître. Je ne suis que bâton, bout de ficelle et soubresaut. Fini l'argent, l'amour, ma carrière, ma réputation, les amis, l'espoir, la compassion, le sentiment d'utilité, les deuxièmes chances. Et si j'avais éprouvé une quelconque hésitation quant à l'idée de mourir, ça aussi, c'était fini. J'aspire une énorme bouffée. Il doit rester pour environ $2000 de crack dans le verre. Il me reste presque deux bouteilles de vodka, un verre de somnifère, deux pipes neuves et trois autres encore utilisables. Il faut que je consomme tout le plus vite possible, histoire de m'anesthésier avant qu'il débarque. Je n'ai dormi qu'une poignée d'heures au cours des 6 semaines passées. Je ne me rappelle pas avoir mangé. Je suis persuadé que mon corps ne tiendra pas le coup si je lui inflige ça. L'équipe des conducteurs de 4x4 à jumelles et briquets, qui semble maintenant positionnée sur le toit, s'apprête à défoncer les fenêtres et la porte de ma chambre. Les chemins de la philosophie. France Culture. Adèle Vendrette. Ce texte est parti de ceux qui provoquent des haut-le-cœur chez le lecteur hein, quand on a votre ouvrage entre les mains, Cécile Gilbert, et il fait aussi comprendre qu'il n'y a pas de profil type en fait de drogué en fait, que la drogue ne séduit pas forcément les tempéraments les plus excessifs. En l'occurrence, Bill Clegg, ce qu'il décrit ici est quelque chose qui paraît, qu'il présente presque comme inattendu, qui est extrêmement violent, extrêmement excessif et temporaire. Oui, Bill Clegg, c'est vraiment, ça illustre vraiment une anomalie, hein, dans la taxinomie, pardon, des drogues, parce que, En fait, Bill Clegg, donc ce jeune agent new-yorkais, bon, qui est né en 72, hein, qui est un des auteurs les plus récents de cette anthologie, en fait, est tombé dans la dépendance au crack. Bon, on va dire rapidement que le crack, c'est une façon de prendre de la cocaïne, en fait, en la fumant, en la faisant chauffer et en la fumant dans des pipes. Et c'est un effet beaucoup plus violent, immédiat et provoque une dépendance beaucoup plus forte. On dit que c'est la drogue du pauvre, hein, généralement. Voilà. C'est une drogue qui est fumée dans les ghettos, dans les quartiers pauvres et qui a aussi fait l'objet d'un épouvantail terrible pour tout le monde dans la presse quand on a commencé à découvrir que des gens se droguaient au crack et qu'ils devenaient très vite addicts. Bon, et lui, Bill Clegg, c'est le jeune agent new-yorkais qui normalement aurait dû sniffer de la cocaïne comme on boit du champagne dans les boîtes de nuit, qui vivait à Manhattan et qui était jeune, riche, beau et qui a sombré dans le crack et qui a livré un récit absolument glaçant de cette dépendance au crack qui l'a mené au bord de la mort, on peut le dire, hein, parce qu'il a perdu 17 kilos, il mangeait plus, il était dans des chambres d'hôtel à fumer, il a dépensé 70 000 $ pour sa drogue et bon, il a écrit par la suite un autre livre sur sa réhabilitation. Donc là, on voit bien que l'excès là, c'est la substance prend le contrôle en fait, prend le contrôle de tout et c'est des effets qui sont finalement similaires à ceux qu'on trouve chez les héroïnomanes quoi. C'est pas la même drogue, mais ça provoque cet aspect. Alors lui, il insiste sur le manque, en fait, hein, mais c'est parce que c'est ce texte-là que j'ai choisi. On pourrait choisir aussi des extraits de textes où des auteurs décrivent les effets peut-être intéressants ou excitants ou du crack. Enfin, le manque, surtout la destruction. Là, oui. Le texte qu'on a entendu, c'est un face-à-face avec lui-même dans le miroir. Il se voit pour la première fois. Ça fait sans doute 2 mois. Enfin, je crois que l'expérience dure 2 mois, qu'il est enfermé. Enfin, il parle de 6 semaines sans manger, en ayant dormi une poignée d'heures. Et il se voit, et que voit-il ? Il voit un squelette. Tout à fait, c'est la mort en face, quoi. C'est exactement ce que pourrait dire peut-être un héroïnomane après des piqûres ininterrompues. Perte d'appétit et voilà, bon, c'est à peu près c'est pas du tout les mêmes drogues, mais ça provoque le même type de déchéance physique et de frôlement de la mort quoi, vraiment, parce que aussi avec risque d'overdose au bout de la pipe, au bout de la seringue. Sauf que dans le cas de Bill Clegg, il s'en remet, il s'en sort. Oui, il s'en sort, mais comme beaucoup d'héroïnomanes s'en sortent aussi en rentrant dans des cliniques de désintoxication et au prix d'un sevrage extrêmement douloureux. Il a eu de la chance. C'est de la chance ? Bah, il a eu de la chance parce qu'il était, voilà, il était aimé, on s'est occupé de lui, voilà, on a pris soin de lui, mais c'est pas le cas de tous les junkies qui sont morts d'overdose dans leur coin sans voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une volonté ou une force de caractère qui permet de s'en sortir. Je pense qu'arrivé au point où est arrivé ce Clegg et comme ils sont arrivés certains, je crois pas que, enfin, la volonté, c'est ambivalent parce qu'il y a aussi un tel désir de destruction, c'est complètement suicidaire et donc il y a une perte de contrôle. Donc je pense que voilà, que l'entourage quand même peut jouer un rôle, même si on a vu qu'un quelqu'un comme Burroughs était capable tout à fait, en tant que grand junkie devant l'éternel, de se prendre en main et parfois d'arrêter l'héroïne. Alors, pour trouver un rapport destructeur à la drogue, nul besoin d'aller jusqu'au crack, à la morphine ou à l'héroïne. Parfois, le café lui-même peut conduire à la mort. C'était le cas d'Honoré de Balzac, figurez-vous. Voici la magnifique description que Balzac propose du café qui entre et glisse le long de son gosier. Le café tombe dans votre estomac, qui, vous le savez, est un sac velouté à l'intérieur et tapissé de suçoirs et de papilles. Il n'y trouve rien. Il s'attaque à cette délicate et voluptueuse doublure et devient une sorte d'aliment qui veut ses sucs. Il les tord, il les sollicite comme une pythonisse appelle son dieu. Il malmène ses jolies parois comme un charretier qui brutalise de jeunes chevaux. Les plexus s'enflamment, ils flambent et font aller leur étincelle jusqu'au cerveau. Dès lors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille. Et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique accourt avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleurs. Les figures se dressent. Le papier se couvre d'encre. Car la veille commence et finit par des torrents d'eau noire, comme la bataille par sa poudre noire. La drogue ne rend pas génial, hein, ce que vous disiez, Cécile Gilbert, mais alors quand on est Balzac et qu'on décrit les effets du café, ça devient vraiment génial. Est-il vrai que Balzac meurt à 51 ans d'une hypertrophie du cœur due à sa consommation délirante de café? C'est probable, hein. En plus, bon, il avait un régime, une hygiène de vie, comme on dit aujourd'hui, qui n'était pas extraordinaire. Bon, il dormait peu. Il écrivait tout le temps. Il écrivait tout le temps, 16 heures par jour. On estime, il y a des gens qui se sont amusés à faire une estimation qu'il avait dû boire plus de 50 000 tasses de café, et puis qu'il avait surtout mis au point une recette de café qui était une véritable bombe de caféine, qui avait fait de l'amphétamine. Mais ce qui est très très beau, c'est l'équivalence. C'est pour ça que le café, il est vraiment l'ancêtre des excitants. Il y a une espèce de productivité qui vient avec le café. Et en fait, il y a cet équivalent entre ce liquide noir qu'on absorbe très concentré et puis l'encre l'encre qui est déversée sur les pages. Et il y a ce rapport café-encre que je trouve très beau, mais poétiquement et métaphoriquement. Et avec le café, c'est très marrant aussi l'histoire du café. Bon, le café, c'est l'ancêtre des excitants, hein. Et ça fait partie que les épices, le chocolat, tout ça, de ce qu'on appelait les excitants. Et en fait, c'est amusant comme la société croit toujours bien faire. Et en fait, elle sait pas ce qu'elle déclenche d'une certaine façon, parce que le café, en fait, a été promu par les puritains, par la société protestante, si vous voulez, pour remplacer l'alcool. On a jugé qu'il fallait que les travailleurs boivent du café plutôt que de l'alcool, plutôt que s'enivrer à la taverne. Il fallait boire du café parce que le café rendait travailleur. Il y avait cette forme de sobriété qui était liée au café. Bon, évidemment, on ne pouvait pas imaginer que des gens allaient évidemment s'intoxiquer complètement au café. Mais c'est amusant de voir toujours comment certaines drogues sont promues socialement et puis après comment les choses dégénèrent. Et dans le cas de la cocaïne, c'était pareil. La cocaïne, quand elle a été inventée, elle était considérée comme une panacée pour soigner toutes sortes de maux physiques. Et puis même Freud, qui était un fou de la cocaïne et qui l'a expérimenté sur lui-même et qui l'adorait prendre de la cocaïne, vraiment, il y a une euphorie de Freud sur la cocaïne qui est tout à fait unique dans son travail, dans son œuvre. Et comment il croyait même qu'elle pouvait servir à sevrer les morphinomanes. On a cru aussi qu'on allait sevrer les morphinomanes avec de l'héroïne, etc. Donc il y a tous les errements de la médecine qui sont assez amusants à voir et qui provoquent des choses après immaîtrisables et excessives. Et c'est aussi le cas des amphétamines. Et le cas des amphétamines, moi, ça m'a aussi passionné parce que les amphétamines, c'est vraiment pas considéré comme une drogue quand c'est inventé. Bon, c'est inventé très... finalement, il y a assez longtemps, à la fin du 19e siècle, mais très vite, c'est donné aux armées. Et puis, il y a toute une histoire des amphétamines que je ne retrace pas, mais à la fin après la Deuxième Guerre mondiale, c'est considéré comme un médicament qu'on va donner à tout le monde, à toutes les couches de la population, dans tous les pays occidentaux, parce qu'après tout, ça permet de travailler mieux, ça permet de soigner, de donner du tonus, ça permet de ne pas être déprimé, etc. J'ai eu l'occasion de dire que ma mère m'avait raconté, ma mère qui n'est pas du tout une droguée, mais me disait que dans les années 60, elle prenait des amphétamines, ça lui donnait un coup de fouet le matin, etc. Et en fait, des millions et des millions de personnes ont pris des amphétamines, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les amphétamines, évidemment, ça détraque aussi le système nerveux. Et que... Donc ça, c'est assez amusant dans les errements médicaux des drogues. Mais autant que le café, ce que vous êtes en train de dire, finalement, le café... Non, le café, je pense que c'est moins fort. Non, le café est beaucoup moins dangereux que, que les amphétamines, ça c'est évident. Mais déjà, le café, ce qui nous renvoie finalement à l'origine de toutes les drogues, je mets évidemment de côté les drogues de synthèse ou les drogues purement chimiques qui ont été inventées en laboratoire, mais si vous voulez, toutes les grandes drogues de l'histoire, en fait, viennent des plantes, viennent de la botanique, viennent de pharmacopées qu'ont eu les anciens. Si la drogue est un sujet littéraire récent, mais si vous voulez, l'usage de la drogue sur Terre vient des plantes et les hommes ont sans doute, depuis l'origine, eu besoin pour se soigner, pour se sentir mieux physiquement ou psychiquement, d'absorber un certain nombre de plantes, qu'ils aient su ou non à l'époque quelles étaient vraiment ces plantes et ce qu'elles produisaient. Il est intéressant de noter que c'est à Balzac que l'on doit l'utilisation du terme excès, pour faire un clin d'œil à la série que nous commençons avec vous, Cécile Gilbert, à propos des drogues. Il écrit « L'excès du tabac, l'excès du café, l'excès de l'opium et de l'eau de vie produisent des désordres graves et conduisent à une mort précoce. L'organe sans cesse irrité, sans cesse nourri, s'hypertrophie. Il prend un volume anormal, souffre et vicie la machine qui succombe. » Il l'écrit dans son traité des excitants modernes. Bah, il écrit sa propre mort, en fait. Oui, tout à fait. Il avait fait le tableau clinique de ce qui lui est arrivé avec ses excès de café, tout à fait. Et c'est amusant parce que Balzac, par ailleurs, qui accordait tellement d'importance aux facultés cérébrales et qui avait tellement envie de percer les secrets du génie, hein, c'est ce qu'on voit dans son roman Louis Lambert, par exemple, dans Mon souvenir, où il n'était pas très enclin à prendre des drogues. Il est venu au club des hachichins, ce fameux club... initié par les romantiques et où on prenait de l'opium sous forme du hashish pardon sous forme de confiture. Il est venu mais il n'en a pas pris beaucoup, ça l'intéressait pas de prendre des drogues. Il a écrit sur les drogues mais de façon un peu imaginaire, des trucs sur l'opium et tout ça, mais en fait il voulait pas prendre des drogues. Mais en revanche le café, oui. Et une toute dernière référence, l'un des auteurs les plus modernes que l'on trouve dans votre anthologie, c'est Philippe Solers, hein, à propos du cannabis. Trop faible dose, abrutissement. Trop forte, tempête. Correct, vol mesuré de la marche, un peu au-dessus du sol ou carrément sur les toits, ivresse de l'eau en bateau, si on écrit, le papier respire. Oui, ben oui, Solers, il a beaucoup parlé du hashish, il a beaucoup parlé des amphétamines qu'il prenait pour écrire, hein, comme Gabriel Matzneff, comme toute une série d'auteurs, du captagon. Alors c'est drôle, le captagon aussi, encore une histoire étonnante, le captagon c'est une drogue qui est revenue sur le devant de la scène, si je puis dire, un peu tragiquement, puisque on pense que les djihadistes et les fauteurs d'attentats étaient sous l'emprise du captagon. Il y a eu des gros débats là-dessus, mais on sait que c'est une drogue qui a fait son retour au Moyen-Orient dans les guerres, justement, des djihadistes. Et voilà, bon, Solers, lui, on prenait dans les années 70, et en fait, il a cherché toujours à... qu'est-ce qui pouvait être la drogue idéale. Il a fini par en inventer une qu'il appelle la dose dans un de ses romans qui s'appelle Medium et sur lequel je termine cette anthologie parce que la dose c'est la drogue parfaite apparemment. Bah, terminons cette émission sur cette note. Nous, notre drogue ici, c'est la musique. Roll another blunt. Yeah. Okay. La la ta ta ra, ra. La ta ta ra. La la la la, la la la la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La la, my room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La la la. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. Go to the next. Go to the next. Merci beaucoup Cécile Gilbert d'être venue nous parler ce matin de votre anthologie d'écrits stupéfiants à ce micro. Merci beaucoup. Drogue et littérature d'Homère à Will Self, c'est un livre disponible chez Robert Laffont dans la collection Bouquins d'Afroman à Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est l'heure du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous revenez sur une question qui a agité les médias la semaine dernière. Faut-il donner la parole à Éric Zemmour ? La question s'est déclinée sous toutes les formes, alors que deux essais en cette rentrée ont fait du polémiste leur figure centrale d'interrogation, Gérard Noiriel avec le venin dans la plume et Marc Lilla avec l'esprit réactionnaire, et qu'il a été définitivement condamné pour incitation à la haine raciale en septembre, suite à une intervention télé de 2016. On n'en a pourtant pas fini avec Zemmour. Quel problème révèle-t-il de notre fonctionnement médiatique ? On ne sait plus trop qui est Zemmour. C'est vrai, Zemmour, c'est quoi aujourd'hui ? C'est un journaliste politique, c'est un homme politique, c'est un futur candidat, c'est un polémiste. Les propos d'Éric Zemmour posent problème. C'est une charge extrêmement virulente contre une religion, contre l'islam. Il a lui-même été condamné pour haine religieuse. Faut-il continuer à inviter Éric Zemmour comme si de rien n'était ? Doit-on encore inviter Éric Zemmour ? Faut-il encore lui donner la parole ? Faut-il le faire taire ? Faut-il le bannir des médias ? On a pu entendre, lire et même discuter cette question déclinée sous toutes ses formes la semaine dernière, mais pas que, car en 2014, on en était déjà là. Écoutez. Zemmour, les actions en justice se multiplient. SOS Racisme, la LICRA, Le Cran, ces associations annoncent des actions contre les propos tenus par le polémiste sur les musulmans. Ils demandent d'ailleurs aux médias d'arrêter d'inviter Éric Zemmour, qui fait un succès en librairie avec son dernier ouvrage, Le Suicide français. C'est presque devenu un marronnier, aussi récurrent que les reportages sur la neige en hiver, la chaleur en été, les cadeaux de Noël à Noël. Aussi récurrent, mais aussi tout à la fois légitime et désespérant. Car c'est à la fois un débat nécessaire qui pose la question cruciale, large, fondamentale de quelle parole a le droit de citer, et désespérant car le problème ne sera en fait jamais réglé. Tant mieux, d'une certaine manière, car c'est bien la preuve qu'il y a, quoi qu'on en dise, une réflexivité, une autocritique des médias. Et puis tant pis, car jamais aucune leçon ne semble tirée, avec en plus ce drôle de paradoxe, parler sans cesse d'un individu dont on se demande s'il devrait parler. Pourquoi cette situation absurde ? Moi, ce que je trouve scandaleux dans cette histoire, c'est le nombre de journalistes ou d'intellectuels qui demandent qu'on interdise d'antenne tel ou tel. Je trouve ça scandaleux. Éric je trouve Zemmour ça lamentable. Oui, je dirais que la liberté d'expression ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donner la parole ou pas à quelqu'un, le débat retombe toujours sur les mêmes arguments. D'un côté, les partisans de la liberté d'expression, comme on l'a entendu, il s'agit de donner la parole en vertu du pluralisme, du débat franc et frontal et de la déconstruction des discours dangereux. De l'autre, les opposants, il ne faut surtout pas la donner pour éviter les discours délictueux, la propagation de la haine, voire sa banalisation. D'un côté, donc, l'exercice d'une liberté qui rencontre celle des autres et les limites de la loi au risque de la haine. De l'autre, le contrôle d'une liberté avant même qu'elle ne soit exercée au risque du bien-pensant. Dans tous les cas, un choix à faire et qui revient toujours aux médias. Les médias, toujours ce vaste champ indiscernable, coupable aux yeux de tous, accusé d'être vendu aux puissants ou à l'audience, prêt au pire pour être suivi, trop ou pas assez critique, trop à droite, trop à gauche, trop au centre. Alors que les médias sont multiples, de la presse écrite, télé et radio aux réseaux sociaux, du débat à l'enquête, de la dépêche à la chronique, c'est pourtant toujours sur eux que retombe la faute. Pourquoi est-on si prompt à accuser les médias, c'est-à-dire à confondre le médium avec le message ? Il y a une banalisation de l'extrême, il y a une banalisation de l'outrance, il y a une banalisation du mépris à l'égard d'une partie de la communauté nationale. Donc c'est ça qui me gêne. Et parce que finalement, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait des personnes qu'on n'invitait même pas à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, c'est elles qui sont les plus nombreuses à y venir. François Hollande l'a dit il y a une semaine sur France Inter. L'outrance est introduite dans le système médiatique, mais surtout pas politique. Ce qui est fou quand on y pense, car qui a évoqué la déchéance de nationalité ? Qui a mis au centre le thème de la sécurité et de l'immigration ? Qui a posé la question de l'identité nationale ? Tous ces thèmes repris par Éric Zemmour. Alors je ne vais pas reporter la faute sur les politiques. On aura tôt fait de m'accuser de défendre mon bout de gras, les médias dont je fais partie. Mais on ferait bien tous de se poser la question. Qui regarde Zemmour ? Qui s'informe ? Qui lit ? Eh bien, c'est nous tous. Prenons nos responsabilités, nous. Reprenons cette liberté au lieu de parler de celle des médias. L'espace médiatique n'est pas un espace qui flotte dans les airs, nous surplombe et nous dit quoi faire, quoi penser. C'est un espace d'échange, de messages, d'émetteurs et surtout de récepteurs que nous sommes tous. C'est trop facile de charger les médias, surtout quand on a comble du sort la possibilité de le faire grâce aux médias. Merci Géraldine de le dire. Ici, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, l'équipe stupéfiante des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon Delasselle avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Adèle Caglar. À la lecture des textes cette semaine, Daniel Mesguich. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine excessive. Demain, on parlera de Françoise Sagan qui vous provoquera un grand frisson en compagnie d'Eve Alice Roustan. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où l'équipe des Chemins de la Philosophie attend vos remarques et vos commentaires. On met aussi chaque jour en ligne l'émission du jour. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.